brûler le voile qui pendait devant ma gueule, mes yeux. Je sentais bien que si je continuais comme ça, c'était la pendaison. La pente est raide, ça fait 24 ans que je la grimpe avec mes ongles. Plusieurs fois en chemin, j'ai dû écarter ma raison. En bas, la mort me guette dans le gouffre. Y'a des flammes, je suis fait de souffle. En haut, la vie, y'a le vent qui souffle avec les arbres et puis les pousses. Au milieu de tout ça, moi je souffre. Perce mes tympans, je fais le sourd. J'ai des flashbacks du tapin à l'époque où je faisais le mur. Le F n'a jamais fait l'amour. Ivy, c'était une merde, il a dû me violer plus de 5 fois. Le pire, c'est que je croyais aimer ça. Bien pire que la NSA. Ce chien m'a laissé en sang. C'est pas le premier, les palefreniers ont toujours couru après la jument. 8 ans, derrière la cabane où je pose. Un fils de pute prend ma tête, puis avec ma bouche, il ose. 10 ans, chez la vieille. Planète nos limites, mon zinc veut reproduire ce que l'on voit. Mon zinc, il veut qu'on imite. À 20h, il me fait descendre. Et là, d'un coup, ça recommence. Le vide immense. La vieille toque au carreau, donc pas de semences. Assez ballot. A-t-elle vu ou a-t-elle gardé le silence? J'en sais rien, donc je reste muet. Je serre les dents quand ça me lance. Le fil du rasoir, j'ai léché tellement il me faisait plus peur. C'est juste un autre jour où je regarde bizarrement le cutter. La salle de bain m'a dulciné, cette conne avait le verrou. Un peu de répit, je m'enferme dedans, je fais des trucs qui me dégoûtent. Maman a vu ce qu'elle a vu, donc elle me courait après. Chassée dans la porte, elle devient folle, son fils il pleure derrière. Je suis resté au sol à peu près 2 heures, je m'en souviens comme hier. J'ai pas trouvé de ciseaux, donc malheureusement j'ai pas pu m'ouvrir les veines. Après ça, je m'enterre dans le mutisme, comme un petit autiste. Je découvre le plaisir dans la crasse, comme un antagoniste. Devant les vieux monsieur, parfois, je fais les feuilleuses. Au lieu d'accorder mon jean avec mes petites feyous, comme tous les gosses de mon âge. Au lieu de ça, je suis dans la drague. Au lieu de ça, je suis dans la drogue. Ça m'aide à faire tourner la page. J'ai subi, je fais pas la victime. Pas pour autant que je suis une victus. Je fais un pas après l'autre. Devant ces merdes, je fais des rictus. M'en sors très bien, je vais pas me plaindre. Je blâme même pas mes agresseurs. C'est des mecs qui ont subi. Ensemble, l'avenir, on pourrait peindre. Mon sang sur les mains me rappelle par où je suis passé. J'ai plus peur de fuir l'avenir. Et le présent, je me plais à le défier.